d'accorder ma guitare. Ouais, ça va, les membres n'en manquent pas tous les 4 matins. Don't you slide Bono. Allez, Bono, file. Allez, Dirty. Tête.